وإن شرا فشر. L'honorable Cheikh, le grand savant عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى, nous dit dans son commentaire sur ce hadith. Premièrement, premier point, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réuni, a rassemblé entre la foi en Allah et la foi au jour dernier. Donc, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam va citer la foi en Allah, il y ajoute la foi au jour dernier sur ces trois points mentionnés dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ici que le prophète alayhi salatu wa sallam nous parle de la langue de la personne, soit elle dit du bien, soit elle se tait, d'être bon envers son voisin et d'être bon envers son invité, son hôte. Donc, pour nous parler, alayhi salatu wassalam, de ces trois points, il nous fait ce rappel sur la foi en Allah et au jour dernier. Donc, il a réuni entre les deux. Car la foi en Allah est la base. Toutes les questions de croyance et de foi reviennent à la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala. Rejoignent la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala. La foi en Allah est la base. Puis, vient à suivre les autres points de la foi. Donc, la foi en Allah est la base sur toutes les questions dont il est obligatoire d'avoir foi et croyance. Car toute chose sur laquelle on te demandera d'avoir la foi, la croyance, elle vient à suivre. Elle vient après la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous précise, après la foi en Allah, la foi au jour dernier. Pourquoi ? Parce que là-dedans, il y a un rappel. Un rappel sur le jour dernier, sur le jour de la résurrection, dans lequel il y a le jugement de toutes les œuvres accomplies et commises par les créatures, par les hommes et les djinns. Et donc, chacun trouvera face à lui la rétribution selon ce qu'il a accompli dans ce bas monde. Si il a agi en bien, il trouvera le bien face à lui. Et si il a agi en mal, alors il sera face au mal. Donc c'est pour cela qu'on retrouve souvent dans les hadiths ce rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il veut nous demander quelque chose, nous enseigner quelque chose, il interpelle la personne par des choses qui vont le motiver, par des choses qui vont lui faire un rappel que celui qui croit en Allah est au jour dernier. Ceci est un rappel pour la personne. Thaniyan, قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم, مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. قال النووي في شرح هذا الحديث, قال الشافعي رحمه الله تعالى معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر, فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم, وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد يعني القرواني إمام المالكية بالمغرب في زمنه, يعني المغرب العربي في زمنه, جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث قال النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونقل النووي عن بعضهم أنه قال لو كنتم تشترون الكاغد، الكاغد يعني الورق للحفظة للطلاب، طلاب العلم الذين يحفظون ويدرسون العلم، لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. Deuxièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ceci est une parole générale parmi les dons qui ont été donnés au prophète alayhi salatu wa sallam, qu'on appelle jawami'ul kalim, de dire en peu de mots qui ont beaucoup de sens. Beaucoup de personnes n'arriveraient pas à réunir autant de sens dans peu de mots. Et ça, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam est connu pour avoir reçu ce don. C'est pour cela qu'on dit de lui Outiya Jawami'ul Kalim. Il lui a été donné Jawami'ul Kalim. Elle implique l'obligation de préserver la langue, de parler, si ce n'est pour le bien. La langue est un des membres du corps qu'Allah tabaraka wa ta'ala a octroyé à sa créature. Et la langue, comme tous les membres du corps, se doit d'être soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans l'islam, on nous enseigne qu'une des plus grandes causes qui amène dans le feu de l'enfer, qui amène à être châtié, c'est la langue. Donc, la langue est un outil indispensable, qu'on en a besoin dans notre vie, de même qu'on en a besoin dans notre adoration, mais au même moment, c'est un des moyens qui peut amener la personne à sa perte si il ne la préserve pas, si il n'y prête pas attention. Donc, dans ce hadith, on y comprend qu'il y a l'obligation de préserver la langue des paroles. Si ce n'est, on s'en sert, Allah nous a permis de pouvoir s'en servir, on s'en sert dans le bien, dans ce qui est convenable. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit, en commentant ce hadith, il rapporte la parole de l'imam al-Shafi'i, alayhi rahmatullah, l'imam al-Shafi'i, un des quatre grands imams des écoles juridiques de l'Mazahib, et par ordre chronologique, il est le troisième. Le premier, le plus âgé, celui qui a précédé, c'est l'imam Abu Hanifa, alayhi rahmatullah. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il est né en l'an 80 de l'Hégire. Et il est mort en l'an 150 de l'Hégire. Il a vécu 70 ans. L'année de sa mort, c'est l'année de naissance de l'imam Shafi'i. C'est l'année de naissance de l'imam al-Shafi'i. Et Abu Hanifa est un Perse. Il vécut en Irak. Il était l'imam de la ville de Al-Kufa. Al-Kufa qui est en Irak. Et son nom, Abu Hanifa, c'est son surnom, c'est Al-Nu'man ibn Thabit. Al-Nu'man ibn Thabit, c'est le nom d'Abu Hanifa. Puis on a l'imam Malik. Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi al-Madani, imam ou Ahli al-Madina. L'imam de Médine. C'était l'imam de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque. Il est né à Médine, vécu à Médine, et il est mort, rahimahullahu ta'ala, à Médine, et il est enterré dans le cimetière de l'Baqiyah, le cimetière qui est juste à côté de la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam, dans lequel se trouvent plus de 10 000 compagnons enterrés, radiyallahu anhum, ajma'in. Et l'imam Malik, rahimahullah, il est né en l'an 93 de l'Hégire, et il est mort en l'an 179 de l'Hégire. Il vécut 86 ans, rahimahullahu ta'ala. Donc, Abu Hanifa est plus âgé que lui de 13 ans. Ils se sont rencontrés déjà. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer et de discuter. Puis vient l'imam al-Shafi'i. Donc les deux premiers sont pratiquement contemporains. Ils sont contemporains. Puis on a l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. L'imam al-Shafi'i, il s'appelle Mohammed ibn Idris. Et c'est un Quraishi. Il est de la tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa lignée, à un moment donné, dans les ancêtres, il rejoint les ancêtres du prophète, alayhi wa sallam. Il est né dans la ville de Gaza, en Palestine. Il est né à Gaza, en Palestine. Mais bébé, sa mère l'emmena à la Mecque. Et donc son enfance, il l'a passé à la Mecque. Et il a eu l'occasion, étant petit, d'étudier chez l'imam Malik à Médine. Puis, plus tard, il terminera sa vie, les dernières années de sa vie, en Égypte. Dans la ville qui sera plus tard le Caire. À son époque, Al-Qahira n'existait pas. C'était une petite ville qui s'appelait Al-Fustat. Plus tard, une dynastie qui va gouverner l'Égypte, une dynastie très mauvaise, qui sont Al-Ubaydiyoun, qui se font appeler Al-Fatimiyoun, les Fatimides. Ce sont des ennemis de l'islam. Ils ont ramené beaucoup d'innovations et de mal dans l'islam. Ils sont apparus au Maghreb, mais ils n'ont pas pu vraiment prendre l'autorité. Et ils ont réussi à gouverner pendant une période l'Égypte. Plus tard, lorsque viendra Salah ad-Din al-Ayyubi, il est connu pour avoir fait la guerre aux croisés, et avoir sorti les croisés de la Palestine, et avoir libéré la Palestine des croisés pendant les croisades à l'époque. Il a fait aussi autre chose, c'est que c'est lui qui a mis fin à la dynastie des Al-Ubaydiyyin en Égypte. Rahimahullahu ta'ala. Donc l'imam Shafi'i, donc aujourd'hui, il est enterré dans la ville qu'on appelle le Caire, qui est la capitale d'Égypte. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est né en l'an 150 de l'Hégire. Il est né à Gaza, il vécut une bonne partie à la Mecque, et il a étudié chez l'imam Malik. Il est même rapporté qu'il avait appris par cœur le Muwatta, le recueil de hadith de l'imam Malik, du vivant de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Et il est mort en Égypte, en l'an 204 de l'Hégire. Il vécut 54 ans, rahimahullah ta'ala. Puis, puisqu'on cite les quatre imams des écoles juridiques, le dernier, c'est l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Ahmed ibn Hanbal, et lui, c'est un Irakien, il est d'Irak. Il est de la ville de Bagdad et il est mort à Bagdad. Bien que dans sa vie, il est connu pour avoir fait beaucoup de voyages. Il a voyagé dans toutes les contrées musulmanes et lui, c'est connu pour sa mémorisation énorme des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit de lui qu'il a mémorisé près d'un million de hadiths. Et il a son grand ouvrage qui s'appelle Al-Musnad, qui comporte près de 40 000 hadiths. C'est un des plus grands recueils de hadiths, et Al-Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc lui, il est de Bagdad. C'est le grand savant et le grand imam de Bagdad. Il est né en l'an 164 de l'Hégire. 164 de l'Hégire. Et il est mort en l'an 241 de l'Hégire. Il vécut 77 ans. Rahimahullah ta'ala. الإمام الشافعي رحمه الله a dit le sens du hadith, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il dit, le sens du hadith est que la personne qui veut parler, c'est-à-dire il a l'intention de parler, il a l'envie de parler, il doit d'abord réfléchir. Un moment de réflexion. S'il lui apparaît qu'il n'y a pas de mal à parler, alors il parlera. Et s'il lui apparaît que cela va amener une nuisance, qu'il en découlera un mal, ou alors il est dans le doute, il ne sait pas, est-ce que vraiment ça vaut la peine de parler ou de se taire, dans ces deux cas-là, le mieux pour lui c'est de s'abstenir, de ne pas parler. Et l'honorable imam Abu Muhammad ibn Abi Zayd, l'imam de Malikiyya, des Malikites de son époque au Maghreb, Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il vécut au 3e, 4e siècle de l'Hégire. Il est connu dans le domaine du fiqh parce qu'il a un ouvrage de référence dans le madhhab al-Maliki qui s'appelle Ar-Risala. Ar-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Al-Qarawani parce qu'il est originaire de la ville de Qarawan. Qarawan est une des villes qui à l'époque était la capitale de la Tunisie. C'est la première capitale du Maghreb même. C'était la ville du compagnon Uqba ibn Nafi' radiyallahu anhu. Et la mosquée, la grande mosquée de Qarawan, elle porte son nom. C'est la mosquée de Uqba ibn Nafi' radiyallahu anhu. Mais Uqba radiyallahu anhu, il est enterré, c'est un compagnon, en Algérie. Pas loin de Biskra. Il y a un petit village qui s'appelle Sidi Uqba. Il est enterré vers là-bas. Donc, pas loin du secteur de Biskra. Radiallahu anhu. Mais c'est lui qui était, et peut-être même qui a fondé la ville de Al-Qarawan, qui était la première capitale du Maghreb. Et il a d'autres ouvrages aussi. Et en introduction de Ar-Risala, qui est un livre dans le domaine de fiqhi, dans le fiqh, qui concerne les actes d'adoration et du relationnel, l'ibadat ou al-mu'amalat, mais il a fait une introduction sur la croyance. Et c'est une croyance qui est conforme à la croyance des plus prédécesseurs. Croyance à la sunna, à l'aqidah, aqidat ibn Abi Zayd al-Qarawani, et alhamdulillah, beaucoup de savants en ont fait le commentaire. Et on l'appelait aussi le petit Malik. Malik al-Saghir, on l'appelait. C'est le surnom qu'on lui donnait. Donc il était reconnu pour sa science. Donc, il dit, toutes les bienséances, les bons comportements, les nobles caractères découlent, en islam, découlent de quatre hadiths. La base des bons comportements enseignés dans l'islam, on les retrouve réunis dans quatre hadiths. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du bon islam de la personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas. Bien que ce hadith-là est souvent mal compris par les gens. Ce qui ne te regarde pas, il y a aussi les actes interdits. Tu n'es pas concerné par les actes interdits, donc tu les délaisses. Le délaissement est une action. Le délaissement est une action, une œuvre. Le fait de délaisser quelque chose pour Allah, c'est une œuvre que tu accomplis. Subhanallah. Et là, il a dit, min husni islam il mar, fait partie du bon islam. Le délaissement des choses qui ne te regardent pas, ça englobe pas seulement la vie privée des autres, Pas seulement ce que font les autres. Pas seulement là où on ne t'a pas demandé ton avis. Non. Mais parfois, des gens emploient ce hadith dans le mauvais sens. Quand, par exemple, tu vas venir le conseiller, tu vas le reprendre sur un mal qu'il fait. Il va te dire, mêle-toi de tes affaires. Et puis, si c'est quelqu'un qui connaît le hadith, il va te citer le hadith. N'est-ce pas? Alors que non, ça, je suis concerné. Car j'ai vu un mal et je suis capable de venir te le dire, de ne pas le faire. Donc, je suis concerné. Car le prophète, ça m'a dit, celui qui voit un mal. Subhanallah. Donc, c'est pour cela que les hadiths, il faut faire attention de bien les comprendre. Des fois, il y a des sens hein, qui nous traversent l'esprit, qui nous viennent au début. Parfois, ça peut être bon, mais pas tout le temps. D'où l'importance de bien connaître la signification, que ce soit d'un verset coranique ou d'un hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a résumé, il a donné une réponse concise à celui qui lui a demandé conseil. Ô messager d'Allah, conseille-moi. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. À cet homme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Il lui a donné une réponse concise, qui est la recommandation. Et il lui a répété à plusieurs reprises, ne te mets pas en colère. Et combien savent que la colère, qu'est-ce qu'elle amène comme mal? Et qu'est-ce qu'il en découle? Combien regrettent ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit en état de colère? L'état de colère ne justifie pas ce qui va suivre. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu peux te permettre ce que tu veux. Surtout les personnes qui, leur colère atteint un degré extrême. Extrême. Jusqu'à ne même plus savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Après, ils demandent. Ils demandent même aux gens, tellement qu'ils ne savent plus. Et des fois, des gens font c'est des choses graves. Mais la plupart des gens, ils ont conscience. On a souvent la question qui est posée pour les divorces. Et certains ont appris que, en état de colère, c'est pris en compte, c'est pas pris en compte. La question, elle se pose. Elle n'est pas prise en compte, bien qu'il faut revenir au juge, au savant, pour trancher. Mais là, en règle générale, où ce n'est pas pris en compte, c'est lorsque la personne a prononcé dans un état de colère extrême où il ne se maîtrise plus. Mais la majorité des gens, lorsqu'ils sont en colère, c'est une colère où ils se maîtrisent. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Ils distinguent bien ce qu'ils vont dire de ce qu'ils ne veulent pas dire. Et alors, sinon, vous avez déjà vu, vous, des gens divorcés en rigolant? Ils étaient en train de rire, en train de s'amuser, puis il y a divorce. Non. Un divorce, en général, c'est à la suite de quoi? C'est à la suite de disputes. C'est que ça ne va plus. Donc la personne, elle est en colère. En règle générale, les gens qui arrivent à ce stade-là, c'est qu'ils sont en colère. Mais ça, c'est une colère qui est normale. Après, il y a quelques personnes qui ont cet extrême, cet état extrême. Donc la colère, bien que la personne ait en droit d'être en colère, c'est quelque chose de naturel, mais sa colère, il doit savoir qu'il a des règles en islam. D'accord ? Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, si tu es debout, tu t'assois. Si tu es assis, tu t'allonges. Subhanallah. Les gens, ils font le contraire. Parce qu'il faut montrer que tu es un homme. Donc s'il est allongé, ah non, il va croire que je me suis rabaissé, il va croire que j'ai peur. Donc non, lui, c'est le contraire. Il va se lever. Il va plus aller vers la confrontation, alors que l'islam t'enseigne de faire le contraire. Tu étais près de la confrontation, tu t'en écartes encore plus. Subhanallah. Mais les gens, ils jugent autrement. Subhanallah. Et les règles qu'ils... C'est quoi les règles? C'est pas parce que les gens, ils vont croire. Et ainsi de suite. C'est pas ça. Qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que nous enseigne l'islam? D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien clair. Tu es debout, tu t'assois. En plus, la personne en face, elle voit bien que tu ne cherches pas à aller plus loin. Subhanallah. Parce que là, tu montres bien clairement que tu ne veux pas aller plus loin. Bon, On est parti loin dans les paroles, mais je n'ai pas l'intention d'aller plus loin que ça. Subhanallah. Alors que quelqu'un qui est assis, il se met debout, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il va aller encore plus loin que les paroles. Subhanallah. Et si les deux font la même chose, eh ben on en connaît les désastres que ça ramène. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Pour sa propre personne. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, rapporte la parole de certains, c'est-à-dire certains parmi les savants et les imams de l'islam, qu'il a dit, si vous prenez de votre temps pour acheter, pour apporter du papier aux étudiants, à ceux qui mémorisent, ceux qui apprennent la religion. Il faut dire, les époques, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Quand vous lisez par exemple la biographie de l'imam, le grand savant Al-Albani, alayhi rahmatullah, donc dans sa jeunesse, dans les années 20, les années 30 du siècle dernier, eh ben, il ramassait des papiers par terre où il y avait soit des annonces ou des publicités ou alors des invitations de mariage sur un côté du papier et l'autre côté, il était vierge. Il profitait de ces pages-là pour écrire. Il n'y avait pas. Subhanallah. Et aujourd'hui, les gens, c'est, le papier, ils ne comprennent pas. Tout le monde en a. Alors imaginez-vous dans les époques anciennes. Donc, si vous achetiez, vous procuriez du papier pour les étudiants, ceux qui apprennent, qui mémorisent, vous serez tu sur beaucoup de choses. Vous serez occupé. Et une fois occupé, tu n'as pas le temps de parler. Subhanallah. Et subhanallah, c'est une vérité. Hein. Lui, les gens, ils ont du temps libre. Hein. Ils brûlent le temps, comme ils disent. A'udhu billah. Ils disent brûler en plus. Ça doit faire réfléchir quand même. On brûle le temps. Le temps, la personne, un laps de temps, une seconde, quelques minutes, il donnerait toute la terre pour l'avoir. Il donnerait toute la terre pour l'avoir. Tout ce qu'il possède. Une fois qu'il quitte ce monde, il voit la réalité devant lui, il veut faire marche arrière. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. Seulement pour pouvoir faire quelques bonnes actions. Il voudrait revenir. Mais une fois que tu es mort, c'est fini, tu ne peux plus. Allah a décrété que plus personne ne revient. Une fois que tu as quitté ce monde-là, tu ne reviens plus. C'est trop tard. Ici, on œuvre, on peut se corriger, on peut se remettre en question, on peut réformer. Une fois qu'on est mort, c'est le jugement. Et là, la personne pense aux œuvres. Ce n'est plus le lieu des œuvres. Le lieu des œuvres et de la semence, c'était ici. En partant, tu rejoins le monde de la récolte. Tu récoltes ce que tu as fait dans ce bas monde. Donc les actions, c'est fini. Et c'est pour cela que ceux qui ne voulaient pas se prosterner, qui ne voulaient pas s'incliner pour Allah Azza wa Jal, on leur a demandé de s'incliner, de se prosterner alors qu'ils étaient saints, ils avaient un corps qui était capable de faire ces gestes-là. Eh bien, ils auront le dos bloqué yawm al-qiyama. Ils ne pourront pas le faire. Car on leur avait demandé sur terre, ils l'ont refusé. C'est fini. Et c'est pour cela que certains ulama, par exemple, disent sur les gens de l'innovation, les gens qui contredisent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, parmi eux, ceux qui disent on ne verra pas Allah azza wa jal yawm al-qiyama. Les croyants ne voient pas Allah. Et ils essayent de légitimer, de prouver cela. Et c'est faux. Les textes dans l'islam sont clairs et nets que les croyants, Allah leur permettra de le voir. Et on implore Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous donner cette permission de voir son noble visage. Subhanahu wa ta'ala. Eh bien, que ceux qui disaient cela, il est à craindre pour eux qu'ils en seront vraiment privés yawm al-qiyama. Puisque c'est ce qu'ils voulaient. Il disait qu'on ne verra pas le visage d'Allah. Ils ne le verront pas. Et combien des gens disent, prétendent l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et yawm al-qiyama, cette prétention, elle partira. Elle n'aura plus rien. Pourquoi ? Il n'y a rien qui vient la prouver. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas demandé seulement de prétendre et de parler des paroles qu'il n'y a rien qui en découle. Il y a des actions, des œuvres qui viennent prouver cette prétention. Ce que tu viens de dire, quelle en est la preuve ? Tu as les preuves. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra des membres de sa communauté et il les attend devant le bassin et les anges viennent les empêcher de continuer pour leur dire ce n'est pas votre direction, votre direction elle est tout autre, c'est vers le feu de l'enfer. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire ma communauté et on lui dira tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé, ce qu'ils ont fait après toi. En entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux anges, loin de moi, éloignez-les de moi. Le prophète ne connaît pas le règne. Mais lorsqu'on va lui dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en désavoue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur un chemin qui est clair, dans toute sa splendeur, de nuit comme de jour, ne s'en égare après lui qu'un homme voué à la perdition. Donc, dans ce hadith, le début de ce hadith, cette première partie, le danger de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, entre ses lèvres, c'est-à-dire la langue, et ce qu'il y a entre ses cuisses, c'est-à-dire son sexe, il les préserve de tout acte interdit, je lui garantis le paradis. » Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, fais attention à ça. Et avec ses doigts, il a tiré sa langue, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr a dit, et est-ce que les gens vont être jetés dans le feu de l'enfer qu'à cause de la langue ? Il lui a dit une parole dont le sens n'est pas voulu réellement, mais pour montrer l'étonnement, comment tu en es arrivé à me poser cette question. Que ta mère ne t'ait jamais mise au monde, ou à Bouddha. Thakilatka ummuk. En vrai, le sens littéral, ce n'est pas ce qui est voulu. C'est une formule qui est dite pour montrer l'étonnement. Que ta mère ne t'ait jamais mise au monde, ou à Bouddha. Et est-ce que les gens ne sont-ils pas jetés dans le feu de l'enfer, en premier par leur tête ou leur front, si ce n'est pas les conséquences de leur langue ? Par les conséquences de leur langue. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une personne dit un mot qui sort de sa bouche. Il n'y prête pas attention. Il ne voit pas la gravité. Souvent, les gens minimisent. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Vous le voyez à vos yeux, auprès de vous, minime. Alors qu'auprès d'Allah, il est énorme et grandiose. Ce mot-là prononcé va le faire rentrer dans le feu de l'enfer pendant 70 ans. Un seul mot. Comme certains ulama disent, subhanallah, Adam alayhi salam, le père de l'humanité, il est tombé dans un péché, une désobéissance. Il a mangé de l'arbre alors que ça lui a été interdit. À cause de cette action-là, il est descendu sur terre. Il a quitté le paradis. Et il a imploré Allah son pardon. Et combien du matin au soir font des péchés et ils ont toujours espoir d'entrer au paradis. Ça fait réfléchir. On ne pousse pas les gens au désespoir, mais il faut avoir les deux ailes. Si tu veux voler, il faut les deux ailes. Une aile, tu ne voles pas avec. Il faut l'espoir et il faut la crainte. Les deux ensemble, l'espoir et la crainte. Certains même savants disent, dans ta jeunesse, c'est là où tu crois que tu vas vivre pratiquement éternellement, tu ne penses même pas à la mort, moins que les autres, et bien là, tu donnes plus importance à la crainte. Et quand tu es vieux, tu sens la mort arriver, là, tu mets plus en avant l'espoir. Mais au final, il faut toujours les deux. La crainte et l'espoir. ثالثا الخير اسم يقابله الشر ويأتي أيضا خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة وقد جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الخير فليقل dans le hadith on a dit فليقل خيرا qu'il dise du bien. Le terme khayr est un terme qui est l'opposé, le contraire de ash-shar. Al-khayr c'est le bien et ash-shar c'est le mal. Mais aussi le mot khayr, il est employé comme superlatif. Comme superlatif. Meilleur que. D'accord ? Plus que. C'est ce qu'on appelle le superlatif en français. On appelle ça en arabe ism tafdil. Hein ? Mais on lui a enlevé le hamza. Parce que normalement, hasan, ahsan. Hein ? Afdal, il y a un hamza au début. Mais là, il lui a été enlevé. Donc, khayr, parfois, il est employé comme superlatif. Et parfois, il est employé comme contraire de char. Et il y a un verset coranique, dans un seul verset, où on a les deux. On a le mot khayr qui est employé comme opposé à char, et on a le mot khayr qui est employé comme superlatif. Dans le sens du verset, Allah nous dit, ô prophète, dis à ceux qui sont prisonniers auprès de vous, les prisonniers, après une bataille, il y avait des prisonniers. Dis à ces prisonniers, si Allah sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, donc le bien ici, le contraire de l'opposé, du mal, khayran, il vous donnera meilleur, un meilleur bien. Mais c'est toujours khayr qui est employé le terme. Mais le premier, c'est l'opposé du mal, et le deuxième, c'est le superlatif. Il vous donnera meilleur que ce qui vous a été pris. Ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum min al-asra, in ya'lamillahu fi qulubikum khayran, yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum. Rabi'an, qawluhu, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به ومنها حديث عائشة رضي الله عنها ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم وحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري ومسلم وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره والجيران ثلاثة جار مسلم ذو قربى له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار مسلم ليس بذي قربى له حق الإسلام والجوار وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. Quatrièmement, La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier soit généreux, honorable, bon envers son voisin. Le droit du voisin fait partie des droits fortement recommandés envers le voisin. Et il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encouragent d'être généreux et bon envers le voisin et qui préviennent, mettent en garde contre la nuisance et le mal qui peut toucher le voisin. Parmi lesquels, le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, n'a cessé de me recommander d'être bon, généreux, d'honorer le voisin jusqu'à que j'ai cru qu'il allait l'entrer dans les personnes qui ont droit à l'héritage. Des ayants droit. À force que le Jibril, alayhi salam, recommande au prophète, alayhi salam, d'être bon envers le voisin, il a pensé qu'au final, il va lui dire, et quand il y a un héritage à partager, pensez au voisin. Bien que le voisin, en tant que voisin, n'a pas le droit à l'héritage. Mais c'est pour montrer que fortement demandé, et il n'a cessé de lui répéter d'être bon envers le voisin. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, je jure par Allah qu'il ne sera pas véritablement croyant. Je jure par Allah qu'il ne sera pas véritablement croyant. Les compagnons ont dit, mais c'est qui? Qui est cette personne sur laquelle tu jures? Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Il n'est pas tranquille, le voisin. Car la personne à côté, il est nuisible, il est mauvais. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Même dans un hadith, on a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une femme qui prie la nuit et qui jeûne le jour. C'est des bonnes actions. Elle prie la nuit et elle jeûne le jour. Elle accomplit des actions pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est son adoration pour Allah Azza wa Jal. C'est son intimité dans son adoration. Mais ils lui ont dit, au même moment, elle a une mauvaise langue avec ses voisins. Elle est très mauvaise. Elle est mauvaise avec son voisinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est dans le feu. Elle est dans le feu. Comment ? Yani, ta relation avec Allah, tabaraka wa ta'ala, tu penses que n'entre pas dedans. Comment tu dois te comporter avec les gens? Celui qui t'a ordonné de faire la prière et de jeûner, c'est lui qui t'a ordonné d'être bon envers le voisin. Subhanallah. Et c'est pour ça que dans l'autre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, crains Allah où que tu sois. La crainte d'Allah englobe d'appliquer la religion. La piété envers Allah englobe d'appliquer la religion, de faire ce qui est demandé et de s'abstenir de ce qui est interdit. Comment tu crains Allah? Et comment tu fais preuve de piété envers Allah? C'est en étant droit sur le chemin, en appliquant les règles de la religion. Puis, il dit, alayhi sallatou wassalam, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui viendra l'effacer. Et comporte-toi bien avec les gens. Bien que, comporte-toi bien avec les gens, entre dans, crains Allah où que tu sois. Mais c'est pour préciser, que tu sois bon avec Allah et tu dois être aussi bon avec les créatures. L'importance. Et ça, en même temps, subhanallah, l'être humain, de par sa nature, il aime les gens qui lui font du bien. Tu gagnes leur cœur. Le bon comportement, les bonnes paroles, les bons gestes, la charité, le sourire, tout cela, les gens aiment. Et en général, l'homme aime qu'on lui fait. Et bien, il fait aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fasse. Et si ce ne sont pas des musulmans, seulement avec tes actions et avec tes gestes, tu fais une da'wa. Tu es attirant. Les gens sont intéressés par toi et par ton comportement. Et c'est une da'wa. Trop parler, c'est pas ça. Combien parlent, mais les gestes ne vont pas avec. Donc les gens ne sont pas intéressés. Des beaux parleurs, c'est pas ce qui manque. Il y en a des beaux parleurs. Mais les actions, subhanallah, les actions. Il faut parler, mais fais en sorte que ce que tu fais apparaître est en concordance avec ta réalité. Et pourquoi Allah tabarak wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ Allez-vous demander, ordonner les gens de faire le bien et au même moment vous oubliez vous-même? N'allez-vous pas raisonner, réfléchir? Donc, le musulman est quelqu'un dont intérieurement, extérieurement, il est en conformité. En conformité. Donc le voisinage. Que dire si tes voisins, à cause de ton comportement mauvais, ils mettent ça sur le dos de la religion et trouvent ça comme un moyen pour fuir et s'éloigner de la religion. De par ta faute, les gens de ta communauté vont subir le mal. De par ta faute, des gens de ta communauté ne pourront pas avoir accès à quelque chose parce que tu es passé avant. Subhanallah. Quelqu'un qui montre et qui vient et qui montre c'est quoi être musulman, les gens, quand ils vont voir un musulman arriver, bah ils vont dire, ils vont se rappeler d'eux. Mais si c'est le contraire, subhanallah. Donc, d'où l'importance. Que dire lorsque on parle de mosquée? Et là, on est dans une mosquée. Combien de mosquées ont des problèmes avec les autorités à cause du voisinage? Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ne le savent que quand il y a un scandale. Mais les responsables des mosquées, lorsqu'ils se font convoquer, lorsqu'ils sont chez le maire, lorsqu'ils sont avec la police, lorsqu'ils sont avec d'autres autorités, à devoir répondre des problèmes de circulation, des problèmes de stationnement, des problèmes de gens qui viennent à la mosquée, qui sortent de la mosquée et qui nuisent aux voisins autour de la mosquée. Subhanallah. Combien de gens, ils s'en fichent. Ils se trouvent tout moyen pour justifier son geste. Wal'iyadhu billah. Je suis pressé, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas islamique de parler comme ça. Subhanallah. Tu es en retard. C'est la faute à qui que tu es en retard? C'est qui t'a retenu? Prends-en qu'à ta propre personne. Subhanallah. Fais en sorte la prochaine fois de ne pas être en retard. C'est comme des gens qui viennent les derniers et ils veulent le premier rang. Et ils cherchent tout moyen. Dès qu'il y a une petite place qui va se libérer, il est en train de regarder. Subhanallah. Comme ça, lui, il considère qu'il a tout gagné. Non, tu ne gagneras pas comme celui qui est venu plus tôt. Subhanallah. Ça, c'est interdit en islam de faire du mal aux autres. Donc, non. Les mosquées sont fermées. Et la cause, c'est les pétitions des voisins. On vous dira, on ne vous donnera pas le listing hein, qui a signé. C'est les voisins. On ne vous dit pas les raisons. Des fois, on vous donne certaines raisons. Des fois, on vous donne des raisons qui sont plus ou moins vraies. Mais souvent, c'est à cause de quoi? C'est parce que les gens ne veulent pas. Et ces mauvaises habitudes de rester dehors à discuter. Et surtout, de la futilité. Rien. Les gens, ils ont... Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Prends-le par la main, emmène-le chez toi. Fais-lui un café, fais-lui un thé. Non, je préfère parler avec lui dans la rue, après je le laisse. Subhanallah. Ils sont contre le mur d'un pavillon, un immeuble, mais les gens qui sont juste à côté. Là, les prières, elles sont tard. Le maghrib, il est tard. L'isha, il est tard. Vous savez très bien que quand la nuit arrive, tu parles un peu, c'est beaucoup. Les gens, ils entendent. C'est très grave ce que font certains. Des fois même la mosquée, elle leur dit, restez dans la mosquée. Quand vous sortez, partez, n'est-ce pas? Non, ils préfèrent rester dehors et à parler, à tenir les murs. Il y en a, je crois, ils n'ont aucune activité, hein. Ni travail, ni rien. Bon, ils sont contents, ils disent, moi, alhamdoulilah, je fais toutes mes prières à la mosquée. Mais faire toutes tes prières à la mosquée ne te permet pas d'être mauvais avec les gens. Subhanallah. Et à la base, les gens, surtout les hommes, doivent avoir une activité. Va étudier, va faire ton sport, va travailler, va gagner ta vie. Il n'y a rien d'être à la merci des autres. Subhanallah. Il y a des gens qui sont handicapés, ils sont dans une situation qui leur rend le travail impossible, ils ne peuvent pas, ils sont excusés pour leur situation. Mais quelqu'un qui est sain, qui est en bonne santé, qui veut imiter quelqu'un qui ne l'est pas, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le musulman, c'est quelqu'un qui est actif. Le musulman, c'est quelqu'un... La main qui donne est meilleure que la main qui prend. Arrêtez de trop pleurer, de trop se plaindre, de trop... On est très bien. Il y a pire que nous. Wallahi, il y a pire que nous. Il y a des gens... Mais voilà, c'est un mauvais caractère. On est dedans. Mauvais comportement. Toujours en train de râler. On n'est jamais content. Toujours en train de critiquer. Subhanallah. On n'est jamais content. Subhanallah. Quand on gagne 2000, on pense à celui qui gagne 5000. Dans la dunya, regardez ceux qui ont moins. Et dans la religion, regardez celui qui font plus. Et là, vous serez mieux. Subhanallah. Ça, c'est important. Étudiez, travaillez, faites une formation. Alhamdulillah. Il y a des choses qui sont interdites, soit. Il y a des choses qui sont permises dans la religion. Alhamdulillah, il y a plein de choses. Il faut seulement. Aujourd'hui, les portes, elles étaient fermées. Demain, si Allah veut, il les ouvre. Alhamdulillah. En allant chercher du travail, tu ne connaissais pas le futur. Tu ne savais pas si on allait t'accepter ou ne pas t'accepter. Donc si on t'a refusé, bah, c'était une des deux réponses que tu t'y attendais. Subhanallah. Combien de gens leur disent, faites une formation, allez apprendre un métier. Il dit, non, je cherche. Il dit, en plus, la formation, elle dure 9 mois. 2 ans après, tu le retrouves, il n'a rien fait. Tu vois, tu aurais pu la faire. Subhanallah. Chacun dans son domaine, chacun, il regarde. Et on a besoin de tout le monde, dans tous les domaines, dans lesquels il n'y a pas d'interdit. Alhamdulillah. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Encore une femme, elle est dans une situation de nécessité qui la pousse à aller avoir une activité. Mais à la base, une femme qui a des hommes, elle a des grands-fils, elle a un mari, elle a pas besoin. Ils sont là. Maintenant, on se retrouve face à quoi ? Des hommes qui sont en bonne santé, mais ils tiennent le canapé et c'est la femme qui ramène l'argent et qui paye les charges. Vous trouvez ça normal ? C'est pas normal. C'est pas normal. Je sais qu'il y en a, ça leur plaît pas, mais je suis pas là pour plaire aux gens. La vérité, elle est là. C'est la réalité. Subhanallah. On en a plein des histoires comme ça. Des femmes qui se plaignent. Elles veulent arrêter, elles veulent reprendre leur rôle de mère au foyer et que l'homme... Ça incombe à l'homme. C'est l'homme qui doit sortir et ramener le pain à la maison, comme on dit. C'est lui qui subvient à sa famille. Tant que possible, c'est comme ça que ça doit être. Regardez le Jumu'ah. Le Jumu'ah, bien qu'alhamdulillah, dans les pays musulmans, souvent, c'est un moment de repos. Mais sinon, rien n'empêche d'avoir une activité le vendredi. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de la prière du vendredi, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ya ayyuhal ladhina amanu, idha nudiya lis salati, min yawm al-jumu'ah fas'aw ila dhikrillah wa dharu al-bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. L'appel à la prière, il est fait. J'étais en activité dans le commerce, dans un travail, je suis censé m'arrêter et répondre à l'appel. Je viens, j'écoute l'exhortation, j'écoute le prêche, j'accomplis ma prière. Une fois que la prière elle est terminée, je dois sortir et aller sur terre chercher les bienfaits d'Allah. Je vais à mon activité. Subhanallah. Puis il dit, et d'être bon envers le voisin, C'est-à-dire que ton bien l'atteint. Il est touché par ton bien, par ta bonne, tes bonnes actions, tes bons gestes. Et aussi qu'il est en paix face à ton mal. Il est en sécurité face à ton mal. Et il y a trois sortes de voisins. Un voisin musulman, et c'est un proche parent. Il aura trois droits. Le droit du voisinage, le droit de la proche parenté et le droit de l'islam. Et un voisin qui est musulman mais qui n'est pas un proche parent, celui-là, il aura le droit de l'islam et le droit du voisinage. Et un voisin qui n'est pas musulman et qui n'est pas un proche parent, et celui-là, il aura un seul droit qui est le droit du voisinage. Il a le droit du voisinage. Et le voisin qui est le plus en droit, c'est le plus proche. Celui dont sa porte, elle est la plus proche de ta porte. Plus il est proche et plus il a de droit envers toi. Car lui, il voit tes entrées et sorties. Tu vois ses entrées et sorties. Donc, s'il y a un bien quelconque, il est le premier à pouvoir en profiter. خامساً cinquièmement, قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. Cinquièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon, qu'il honore son invité, son hôte. Le terme hôte en français, et de là on a le terme hôtel, c'est pris de l'hôte, c'est un terme qui veut dire les deux personnes. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, ça doit avoir un nom. Ça veut dire que l'hôte, c'est l'invité que tu reçois. Et on appelle hôte aussi celui qui reçoit l'invité. C'est-à-dire les deux, on les appelle hôte en français. Mais c'est un nom en français, je ne sais plus comment on dit. Quand un terme, il veut dire les deux. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Taïeb. D'être généreux et bon envers l'invité, c'est parmi les droits des musulmans envers les musulmans. Et c'est parmi les nobles caractères et des meilleurs comportements. Dans le Sahih de Bukhari, d'après le compagnon Abu Shuraih, radiallahu anhu, qui dit « Mes deux oreilles ont bien entendu et mes deux yeux ont bien vu lorsque le prophète a pris la parole. » Lorsque le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon, généreux envers son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon, généreux avec son invité et qu'il lui donne sa récompense. On a dit au messager d'Allah, et quelle est sa récompense? Quelle est la récompense offerte à l'invité? Il a dit, alayhi salatu wassalam, une journée et une nuit. La première journée qui va venir chez toi et passer la nuit, ça c'est sa récompense. Et d'offrir l'hospitalité, elle est de 3 jours. Ça c'est l'hospitalité du croyant. Elle est de 3 jours. Au-delà des 3 jours, c'est une aumône que tu fais. C'est toi qui as envie de rajouter. Le premier jour et sa première nuit, ça c'est la récompense. 3 jours, ça c'est l'hospitalité du musulman. Au-delà des 3 jours, ça c'est toi qui as envie de rajouter, de faire du bien. Donc, et ça dans beaucoup de règles en islam. Là, on parle de la personne qui invite, la personne qui reçoit l'invité. Voilà ce qui lui est demandé. Mais de l'autre côté, il est demandé à l'invité de ne pas en faire trop et de ne pas être trop lourd et de prendre en considération la situation des gens et de prendre les disponibilités, c'est-à-dire de quitter les lieux avant même qu'on lui dise. Subhanallah. S'il voit qu'il y a une gêne, s'il voit que la personne, elle fait des efforts, mais là maintenant, parce que chacun parmi nous, il a des activités, il a des choses à faire, il a des responsabilités. Donc, il prend de son temps pour son invité, d'accord ? Il prend même congé pour son invité, mais il ne faut pas que l'invité en fasse trop. Donc, l'invité, il a eu son droit et à lui de bien faire. C'est pour ça que, comme on dit, il ne faut pas pousser les gens à bout. Quand on pousse les gens à bout, après ça se termine mal. Et ce n'est pas bon. Subhanallah. C'est comme pour les dettes. On recommande aux gens de prêter. Parce que les gens, les uns ont besoin des autres. Allah a fait que dans cette vie, les uns ont besoin des autres. Allah a mis des riches, des gens qui sont aisés, et il a mis sur terre aussi des pauvres, des gens qui sont dans le besoin. Celui qui est riche, il va se servir du pauvre. Il y a des travaux, il ne voudra pas les faire. Donc il va payer la personne pour qu'il lui fasse les travaux. Donc il a besoin de lui. De même que lui, le pauvre, il a peut-être des idées. Il veut entreprendre quelque chose, mais il n'a pas les moyens. Et il a besoin qu'on lui prête ou qu'on lui avance. Donc c'est de l'entraide qui existe chez les humains. Subhanallah. Donc d'un côté, on encourage à la personne de prêter. Allah t'a donné, prête. En plus, lorsque tu prêtes, on va te rembourser. Parce que si c'est un don, tu n'attends plus rien de la personne. Si c'est un prêt, il va te le rembourser. Mais dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui prête une somme, Allah lui écrit la moitié de la somme en aumône. La moitié de la somme, elle lui est écrite en aumône. C'est une aumône qu'il a donnée. Subhanallah. Ça, c'est la récompense. Mais de l'autre côté, on va dire à celui qui emprunte, efforce-toi, fais tout ce qui est en tes moyens de rembourser, de rendre, de ne pas devoir aux gens. Subhanallah. Et des fois, on a des gens qui empruntent ici et là, et au même moment, ils s'en prennent à ceux qui prêtent. Ouais, si c'était un bon musulman, il m'aurait pardonné, il aurait effacé ma dette, il aurait repoussé le délai, et ainsi de suite. Non, tu es mal placé pour parler. Une personne tierce peut dire ces phrases-là, mais pas toi. Pourquoi ? Car tu es dans une position où tu ne peux pas parler ainsi. Donc chacun de son côté se doit de faire des efforts. Sadisan, mimma yustafadu min al-hadith. Sixièmement, les leçons tirées de ce hadith. Awalan, at-targhib fil kalam fi ma huwa khair. Il y a l'encouragement de ne parler que lorsqu'il y a du bien de cette parole. Thaniyan, at-targhib fi as-samt idha lam yakun at-takallum bi khair. Donc deuxièmement, l'encouragement de se taire, de garder le silence, si le fait de parler n'amène pas un bien. Thalithan, at-tadhkir 'inda at-targhib wa at-tarhib bil yawm al-akhir, li'anna fihi al-hisab 'ala al-a'mal. Troisièmement, le rappel lorsque on veut encourager les gens à faire du bien ou les prévenir, les avertir contre le mal, de leur rappeler par la foi au jour dernier. Car c'est le jour où il y a le jugement sur les actions. Rabi'an, at-targhibu fi ikram al-jar wa at-tahdhir min idha'ihi. L'encouragement d'honorer et d'être bon envers le voisin et la mise en garde contre de le toucher par une quelconque nuisance ou un quelconque mal. Khamisan, al-hathu ala ikram al-dayf. Cinquièmement, l'encouragement d'être bon, d'honorer l'invité et de lui faire du bien. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.